بسم الله الرحمن الرحيم. سئلت اللجنة الدائمة: قد شاع في بعض البلدان نسبة المرأة المسلمة بعد الزواج إلى اسم زوجها أو لقبه، فمثلا تزوجت زينب زيدا، فهل يجوز لها أن تكتب زينب زيد أم هي من الحضارة الغربية التي يجب اجتنابها والحذر منها؟ هذا السؤال فسؤال مهم. أن بعض النساء certaines femmes quand elles se marient elles délaissent l'intisab ila abihim. مثلا l'exemple qu'ils ont donné Zainab, elle avait un Zainab bint son père. Oh, à notre époque c'est des noms de famille, Zainab kada, et elle prend le nom de son mari. فهل يجوز, est-ce que c'est permis هذا أو c'est من الحضارة الغربية أو c'est une ressemblance à, aux ennemis de l'islam, une ressemblance à l'occident. Donc السؤال أظن il est mauvais. Est-ce que la femme a le droit de délaisser ce qu'ils appellent aujourd'hui son nom de jeune fille, al-intisab ila abiha, son nom de famille par rapport à son père, et prendre le nom de son mari? Al-jawab la yajouz. Nisbatu al-insan ila ghayri abih. Qala ta'ala: ud'uhum li abaihim huwa aqsatu 'inda Allah. Amrun min Allah. C'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Anna chacun il doit s'apparenter à son père. Qala wa qad ja'a al-wa'id al-shadid 'ala man intasaba ila ghayri abih. Et plusieurs hadiths, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cité, ça y est, on va en lire, incha'Allah ta'ala, quelques-uns qui ne sont pas cités dans Al-Fatwa, ala kulli hal, ja al-wa'id al-shadid. Des hadiths qui montrent la gravité de hadha al-fi'l, de délaisser le nom de son père pour prendre le nom de son mari. Faqalu, wa ala hadha fala yajouz nisbatu al-mar'a ila zawjiha kama jarat al-ada inda al-kuffar. Wa man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Al-muslima يجب عليها أن تعتز بدينها. تعتز بدينها. Notre دين ولله الحمد. Même dans ce point, certains sont négligents envers ce point. Le nom, alhamdulillah, on a un verset du Coran. ودعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. Et on a plusieurs hadiths. Et on essaiera d'en lire un ou deux, inshallah, avant la fin. On n'a pas le droit de تأثر بهؤلاء. هؤلاء, ils nous détestent. Ils nous donnent aucun poids. Et tu trouves au بعض المسلمين وراء هؤلاء. Même dans cette chose, le fait de prendre le nom du mari. Et si on se pose une question, qu'est-ce que ça va changer? Wallahi, tu trouves elle kafirat, elle refuse, elle préfère garder leur nom de jeune fille. Limad, il n'y a aucune faïda. Il n'y a aucune faïda. Et puis, dunya, le danger, il est énorme pour le mu'mina. On peut citer hadith Abi Hurayra radiallahu anhu. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. متفق عليه. Ça c'est un دليل أن الانتساب إلى غير الأب من الكبائر. لماذا؟ لأن العلماء قالوا أن من ضوابط ضوابط الكبيرة si le péché est cité et il est qualifié de كفر. هنا c'est le كفر الأصغر, la mécréance mineure. لكن la mécréance mineure, ça reste très très grave. C'est un grand péché. Ça fait partie des très grands péchés. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a qualifié hada de kufr. Celui qui délaisse al-intisab ila abi pour s'apparenter à un autre. Hada al-hadith, il est sahih Bukhari ou sahih Muslim. Le deuxième hadith, qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, man idda'a ila ghayri abi aw intama ila ghayri mawali fa'alayhi la'natullah wal malaikati wal nas ajma'in. Ça montre annahu, c'est un énorme péché. Celui qui s'apparente à autre que son père, fa'alayhi la'natullah. Qu'Allah le maudisse, wal malaika wal nas ajma'in. Les anges et tous les êtres humains. Qu'il maudisse cette personne qui choisit autre que le nom de son père. Fattaqillah ayyuha al-mu'mina, ayyatuha al-mu'mina. Al-hadith il est fi sahihain, le deuxième. Les deux ils sont fi sahih Bukhari et sahih Muslim. Fa'ala kulli hal, hadha la yajouz. Ça c'est mina. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de ressembler aux mécréants. Amma, celles qui ne savaient pas, ou qui savaient, et elles ont été négligentes. Al-Muhim, al-Tawbah c'est wajib, le repentir. Walillahi al-Hamd, certaines sœurs, elles ont, et c'est très simple apparemment, les démarches administratives, faire une demande pour annuler hadhihi an-nisba, pour reprendre ce qu'ils appellent le nom de jeune fille, al-intisab ila al-ab. فالأخوات qui ignoraient هذا ou qui ont eu de la négligence, qui ont la négligence sur ce point, elles doivent craindre Allah subhanahu wa ta'ala et faire cette démarche. C'est mina tawbah, من شروط التوبة c'est de regretter, c'est d'arrêter ce péché, c'est de مثلا هنا arrêter ce péché c'est en changeant ce هذا هذه النسبة مثلا dans les papiers نسبة إلى غير أبيها elle doit changer هذا avec les regrets avec l'ikhlas نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا جميعا. La référence مجموع الفتاوى de اللجنة الدائمة la fatwa numéro 18147 وبالله التوفيق ونكتفي بهذا القدر. On reprend nos durous, Inch'Allah ta'ala, à partir de dimanche à la même heure. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.